Le salon noir. Après Hatra ou Ninive en Irak, la grande cité antique de Palmyre, sous le feu d'une pluie de roquettes, était encore hier l'objet de l'iconoclasme de Daesh. S'il s'en émeut, l'ensemble du monde semble impuissant face aux offensives djihadistes. Ces destructions, ces pillages aussi, qui alimentent le trafic international d'antiquités vers l'Occident, l'Asie et le Golfe arabo-persique. Sur le même thème, mais à 5000 km du désert syrien, s'ouvre aujourd'hui, et à Dijon, le procès d'un réseau de pilleurs. Loin d'être de petits braconniers du passé, ce groupe avait notamment mis la main sur un trésor monétaire destiné aux armées auxiliaires gauloises à la solde de César, valeur estimée du butin 200 000 euros. Face à la justice, nous verrons quelles sont les peines. Par chance, le passé archéologique n'est pas que détruit ou pillé. Il est aussi fouillé, conservé, exposé. Parce que voici peu, je ne savais encore rien des Jettes et autres tribales qui vécurent entre Macédoine et Pontoxin. Parce que le Louvre consacre une grande exposition sur le thème, le Salon Noir s'intéresse aujourd'hui aux traces, à l'épopée des rois Thraces. Pour en parler, deux conservateurs français de l'exposition, Alexandre Baralis, Negin Mathieu, bonjour. Bonjour. Plantons le décor, nous voici au nord-est de la Grèce, ou du moins de la Macédoine, au sud-ouest des peuples des steppes, les Scythes, Alexandre Baralis. Oui, effectivement, la Thrace occupe le sud-est du continent européen. Elle ne représente pas vraiment une région naturelle au sens où nous pouvons l'entendre. Dans la mesure, elle n'est pas bordée par des limites qui sont indiscutables comme de grandes chaînes de montagnes ou des fleuves majeurs. En effet, la Thrace dans l'Antiquité représentait avant tout un espace de peuplement. Un espace de peuplement qu'Hérodote, notamment parmi tous les observateurs, décrit selon trois critères. Tout d'abord la langue thrace qui a disparu de nos jours, mais qui, malgré toutes ses déclinaisons dialectales, en effet, était partagée par ces différentes communautés qui étaient présentes entre le mont Olympe et le Bosphore, c'est-à-dire la région actuelle d'Istanbul. Et puis ensuite des mœurs et une religion également que les Thraces partageaient. À vous écouter, j'ai compris qu'on était dans les Balkans et en Bulgarie. En étant dans les Balkans, en étant en Bulgarie, on est également au nord-est du territoire actuel de la Grèce et en Turquie d'Europe. Alexandre Baralis, disons-le tout de suite, comme nos côtes de Méditerranée, Marseille, des colonies grecques s'implantent sur le littoral du Pontoxin en territoire thrace. Elle s'implante sur le littoral du Pontoxin et non seulement puisque la Thrace a la particularité d'être ouverte sur trois mers. Le nord de la mer Égée, la mer de Marmara actuelle en Seine-Propontide et puis le Pontoxin, c'est-à-dire la mer Noire. Dès lors, la colonisation a suivi une chronologie différenciée puisque les Grecs se sont installés sur les côtes les plus proches, en l'occurrence le nord de l'Égée entre 733 et 708 avant Jésus-Christ et ils n'ont accédé au littoral du Pontoxin que vers 650 à peu près. Quelle est la vocation de ces colonies? On parle d'Emporia aussi? Alors écoutez, c'est une question importante mais qui a fait l'objet d'une certaine relecture récemment grâce notamment aux fouilles du Louvre en Roumanie et en Bulgarie et nous travaillons sur des établissements anciens du début de la colonisation près de l'embouchure du Danube. Ce que nous pouvons dire en tout cas, c'est que les stratégies économiques ont été très évolutives. Au tout début, manifestement, en mer Noire, c'est la pêche qui attire les Grecs et on comprend en tout cas pourquoi ces communautés s'installent toujours sur des zones deltaïques qui sont celles du Danube ou celles du Don, vous voyez donc de grands fleuves en tout cas, qui alimentent ce bassin qu'est la mer Noire, ce bassin presque fermé. Mais deux générations plus tard, comme à Apollonia du Pont, ce sont les minerais, notamment le cuivre. Il y a eu des conflits donc liés à ces installations ou pas du tout? Il y a eu parfois des conflits. Ce qui est intéressant, c'est qu'au tout début, une sorte de médiation, en tout cas, semble s'installer entre les différentes communautés. Les Grecs s'installent là où, en l'occurrence, il n'y a pas de population locale. Après, nous apercevons de façon directe qu'une certaine coopération peut être mise en place entre Grecs et Thraces, ou Jettes, les plus valeureux d'entre tous les Thraces. Et c'est le cas notamment dans le nord de l'Égée, notamment à Thassos et sur son continent, ses possessions continentales. Mais plus tard, au début du 5e siècle, quand ces mines déclinent, eh bien, les Grecs sont à la recherche de terres agricoles et alors commencent les conflits, véritablement. On en a les traces archéologiques, on en a un les peu traces. Comme Martigues en France. Effectivement, le parallèle est tout à fait bien vu. On en a les traces dans la mesure où, quand se met en place les premiers édifices ruraux isolés autour d'Apollonia, eh bien, à ce moment-là, les établissements fortifiés thraces sont détruits. Donc, vous voyez, à la fois un épisode violent, mais contemporain surtout, de l'extension des territoires. C'est le cas dans le nord de l'Égée, autour de Maronée. Alors, ces traces, ils sont coincés d'un côté par les Grecs, de l'autre côté par les Scythes, et puis il y a bien sûr aussi les Perses. Sont-ils coincés ou sont-ils le centre? En tout cas, la question est là, tout est une question de point de vue. En tout cas, les Perses n'occupent que la portion littorale et se superposent aux Grecs. En tout cas, les traces représentent des interlocuteurs majeurs pour le monde grec, puisque ce sont les premiers voisins. D'où ce dialogue fertile que nous avons voulu illustrer au cours de cette exposition. Néguine, Mathieu, je ne le savais pas, mais nous voici au pays d'Orphée. Orphée et sa descente aux enfers, un mythe à la fois important mais aussi très particulier dans la mythologie grecque. Effectivement, ça fait le lien aussi entre ce monde grec et le monde thrace, et on a des héros, on a des figures mythiques qui permettent de tracer une histoire entre ces deux univers. Orphée, on connaît de lui le musicien, le fils de la muse, et on oublie souvent qu'il est aussi le fils d'un roi thrace, Euagre. Ce poète, ce musicien, c'est celui qui charme les animaux et tous les hommes. C'est aussi celui qui, par amour et grâce à sa musique, est allé jusqu'au monde des morts, puisque son épouse Eurydice s'est été piquée par un serpent et qu'il a voulu la retrouver. Il est allé plaider sa cause vers Hadès et il a obtenu de pouvoir la ramener. S'il ne se retournait pas sur ses pas, mais arrivé aux portes des enfers, le doute l'a assailli, il s'est retourné et l'a perdu pour jamais. Et là, on retrouve notre histoire thrace, puisque à son retour, désespéré, son chant se métamorphose, désespéré, il ignore les femmes, et les femmes thraces lui en voudront, et les femmes thraces le tuent. Et les Grecs, et en particulier au 5e siècle, se sont attachés à montrer le héros thrace qu'il s'était approprié aux mains des femmes thraces. Et on voit sur les vases attiques les femmes thraces le tuer, le percer de flèches et finalement lui couper la tête. Oui, d'ailleurs, le département des Antiquités grecques expose pour l'occasion une très belle figure rouge datée de 470 avant notre ère, représentant justement la mort d'Orphée. C'est effectivement un des sujets de prédilection des potiers de cette époque. On voit le poète avec sa lyre et des femmes thraces. Ces femmes thraces, on les reconnaît par quelques éléments qui permettent de signaler l'étranger pour le monde grec. On les reconnaît parce qu'elles portent des tatouages. Elles sont tatouées de la tête aux pieds et on reconnaît ainsi aussi par leur chevelure les femmes étrangères qui portent atteinte aux héros. Orphée, c'est le musicien qui a une lyre ou une cithare, je ne sais jamais, à 9 cordes. C'est un instrument qui va varier, c'est un instrument qui est lié aussi à la tortue. Et ça, Gustave Moreau, 19e siècle, ne l'oublie pas. Il intitule d'ailleurs, lui, son tableau « Orphée et la jeune femme thrace ». Il n'oublie pas cette origine que nous rapportons dans l'exposition. Et quelques tortues à ses pieds rappellent l'origine de son instrument. L'enfer chez les thraces ne serait pas souterrain comme dans le monde grec, c'est bien ça ? Écoutez, on a peu d'attestations, mais si on se réfère aux quelques textes dont nous disposons, nous apercevons que pour les Jettes, en tout cas à Zalmoxis, pour lesquels en tout cas les héros thraces ou Jettes étaient prêts à se sacrifier pour servir de messagers, Zalmoxis apparemment est situé dans un au-delà qui n'est pas souterrain. Quand on observe les fresques qui ornent certains tombeaux thraces, notamment celui de Kazanlok, dont vous aurez dans l'exposition plus ou moins la copie, eh bien nous apercevons que le quadrige qui s'apprête à emporter l'âme notamment de ce défunt, eh bien, va l'amener vers un au-delà qui, une fois de plus, n'est pas souterrain. Autant de points convergents qui nous amènent en tout cas à regarder différemment cet univers thrace, et notamment cet univers religieux, pour lesquels nos connaissances sont malheureusement assez sporadiques. Oui, qu'est-ce que l'on sait justement sur cet aspect religieux? Assez peu de choses. On connaît le nom des dieux, ils utilisent les mêmes noms que les dieux grecs, par exemple. Dans la mesure où nos observateurs sont souvent des Grecs, effectivement, Hérodote, notamment, quand il nous transcrit le Panthéon thrace, utilise des noms grecs. Mais ce qui est intéressant, c'est que les thraces eux-mêmes, dans les décrets, dans les inscriptions, les quelques inscriptions qu'ils ont pu en tout cas nous livrer, eux-mêmes transcrivent en grec le nom de ces mêmes dieux. La question de savoir quel est l'équivalent, évidemment, thrace, à quoi cela correspond, est-ce que c'est le même périmètre que la divinité grecque, et quelle est la part de thracité ou d'hellénisme, en tout cas, dans ces noms, par exemple dans celui de Dionysos, dont nous avons à la fois une attestation sur certains tessons, sur certaines inscriptions de la fin de l'âge du bronze, de Pylos ou de Knossos, par exemple. Il y a donc bien un Dionysos grec, et pourtant, pour les Grecs, Dionysos était une divinité qui avait de façon indubitable, en tout cas, des origines thraces. Comment faire cohabiter ces aspects qui sont apparemment contradictoires ? Donc, nous avons des attestations grecques et nous avons des figurations, notamment sur ces objets, sur ces vases, qui nous apportent un autre regard. Dernière source, l'archéologie, sur les pratiques plus que sur le Panthéon, qui ne nous permet pas toujours, en tout cas, d'apporter des pentes ces différentes informations. Néguine Mathieu, vous me parliez de Gustave Moreau tout à l'heure. Les traces, la trace légendaire, intègre donc l'imaginaire antique, mais aussi bien plus tard l'imaginaire moderne ? L'imaginaire antique, c'est certain, et l'imaginaire moderne par certaines de ses figures. Ainsi, pour Apollinaire encore, Orphée se rattache au mont Thrace. Donc il y a une persistance de cette géographie. Et puis il y a d'autres figures mythiques importantes qu'on évoque, des figures royales comme Rhésos qui est cité dans l'Iliade. Et il y a un tableau de Rubens qui montre un autre roi Térée. Donc il y a des figures légendaires qui apparaissent et qui subsistent. Mais on pourrait dire que le paysage, le pays, lui, s'échappe peu à peu pour rejoindre un Orient légendaire. Xénophon dans l'Anabase, Hérodote évoque le guerrier Thrace, bien différent du grec de l'époque. En tout cas, ce que les Grecs retiennent, c'est avant tout la figure du peltaste. Le peltaste est le porteur de la peltée, c'est-à-dire de ce bouclier en forme de demi-lune, qui est très caractéristique de cet armement. Est-ce qu'il s'agissait d'un armement systématique chez les Thraces ? La question se pose. Mais en tout cas, les corps de peltaste étaient très appréciés dans les cités grecques, car ils représentaient des guerriers en fait relativement mobiles, car légers, et donc assez précieux pour pouvoir harceler les corps opitiques beaucoup plus lourds dont les Grecs utilisaient, enfin se servaient à cette époque. En tout cas, descriptions que nous livrent les vases grecs sont en total accord avec les découvertes archéologiques, dans la mesure où nous retrouvons la double lance, typique, le coutelas, l'épée, donc, et qui caractérise le peltaste. Enfin, les représentations figurées grecques également sont en accord avec certaines fresques, notamment celle du tombeau d'Alexandre Vaux, où nous observons bien les guerriers Thraces, justement, porteurs de bottes en cuir. Première différence, de pantalons qui n'existaient pas à cette époque-là dans le monde grec, ou alors de manteaux très colorés, très chamarrés, dont les vases grecs nous laissent en tout cas qu'une figure en noir et blanc, si on peut dire, bien différente. Enfin, pour terminer, le bonnet en donc peau de renard, qui est également un élément caractéristique de l'armement, de l'habillement surtout, de ces guerriers Thraces. Alors j'ai vu, et on en reparlera, mais j'ai vu que dans les grandes tombes princières, voire royales, on trouve des tissus quelquefois. En tout cas, nous avons cette chance dans une zone qui est de climat semi-continental, donc pas forcément en tout cas la meilleure des zones pour nous conserver les matières organiques. Eh bien, on a cette chance dans ces tombeaux, parfois, d'avoir des restes organiques tels que des fourreaux en cuir, notamment pour certaines épées, c'est le cas pour celle de Goliamata Kosmatka, et puis des bouts de tissu dont souvent ne subsistent que les fils d'or qui ont su parfois piéger, préserver des fragments de laine ou d'autres tissus que nous avons en tout cas soumis en analyse grâce à une coopération avec Dominique Mulera et qui seront présentés lors d'un colloque les 12 et 13 juin ici à Paris. Oui, effectivement, l'intérieur des tombeaux, vous avez raison, était recouvert de tissus pour les orner ou pour les protéger, et c'était aussi le cas dans les tombeaux de Macédoine. Et la femme Thrace a quelques caractéristiques, les tatouages donc, dont parlait déjà Néguine. Le tatouage est essentiellement... Entièrement sur le corps, partout ? Il semblerait, en tout cas on le voit sur les pieds, on le voit dans le cou, on le voit sur ses bras. Est-ce que ça ne rappelle pas les tatouages que portent les Scythes, par exemple ? Est-ce que ce ne serait pas une tradition quelque peu plus septentrionale ? En tout cas, le témoignage que nous avons vient une fois de plus d'Hérodote, et nous lui en sommes en tout cas très reconnaissants, où Hérodote nous dit bien que ce sont les femmes péoniennes, c'est-à-dire du sud-ouest de la Thrace, qui sont tatouées. Nous ne savons pas si toutes les femmes Thraces l'étaient, sachant que la Péonie est elle-même pourvoyeuse d'esclaves, ces fameuses esclaves qui sont à Athènes, et que les Athéniens représentent ensuite sur les vases. Quel est le sens de ces tatouages ? Ça nous échappe. Est-il le même que chez les Scythes ? Eh bien écoutez, il nous faudrait une approche sociologique que nous ne pouvons pas en tout cas développer. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Néguine, Mathieu, Hérodote et plus tard Strabon mentionnent de nombreuses tribus Thraces. Les Thraces ne semblent jamais avoir fait leur unification politique. Les causes en sont-elles internes ou tout au contraire externes ? Il semblerait que pendant un certain temps, les tribus aient continué d'exister sans besoin de se regrouper. Mais un fait marquant, c'est le départ des forces perses. Et à ce moment-là, il y a une recomposition du paysage politique de cette période. Les Perses s'en vont et on voit un espace occupé par les Odrises au cœur de la Thrace et qui crée une unité et qui sont présents sur un vaste territoire. Ils deviennent alors des interlocuteurs pour les cités grecques, pour le monde macédonien qui prend de plus en plus d'importance et on voit une multiplication des alliances au 5e et au début du 4e siècle. Alors nous avons parlé d'Hérodote, nous avons parlé de Strabon, nous avons même parlé de Xénophon et de l'Anabase. N'a-t-on pas trop longtemps étudié ces peuples du point de vue de l'histoire grecque ou romaine ? L'histoire grecque, on l'a étudiée de ce point de vue-là, et c'est vrai que pendant longtemps, ils ont été considérés comme aux marges de ces mondes-là. Et comme le disait Alexandre, il faut certainement changer de point de vue. Il faut changer de point de vue d'abord par rapport aux sources. Et les sources, elles sont grecques. On ne connaît pas aujourd'hui de sources locales. La question de l'écriture se posera après, on en reparlera. Il n'y en a pas pour des grands récits. Les sources qu'on a, donc, pour étudier l'histoire, ce sont les sources grecques. Et vous l'avez déjà compris, quand on a parlé des femmes tatouées ou du soldat ou du guerrier, il s'agit de sources qui décrivent un étranger quand même stéréotypé, qui s'appuie sur des caractéristiques qui doivent être aisément reconnaissables. Et on est loin, là, probablement, d'une réalité thrace. Donc, il faut se défaire des sources grecques, des sources littéraires et, du coup, en venir à l'archéologie qui a apporté ces dernières années de très grandes découvertes qui nous permettent de revoir ce pays et cette histoire. Alexandre Ballaris, on ne serait pas sur une société de l'écrit ? Non, on n'est pas véritablement sur une société de l'écrit. On utilise pourtant le caractère grec. On utilise parfois les caractères grecs. En tout cas, la longue trace nous est connue par plusieurs témoignages internes. Au Mont Trace, nous sommes bien d'accord, on utilise les caractères grecs car c'est l'alphabet de l'époque. C'est aussi le cas le long de la vallée du Rhône, grâce aux gallo-grecs. On voit bien que les Celtes eux-mêmes s'emparent de l'alphabet qui est disponible. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette longue trace est avant tout une langue de l'intime. En effet, elle n'est présente que sur des objets proches de la personne, des anneaux ou des fiales en argent, en tout cas, qui ont pu appartenir directement à un aristocrate ou un souverain. Parfois, quelques stèles funéraires découvertes dans le nord de l'Égée, notamment dans l'arrière-pays de Maronée, et quelques ostracas dédiés à Apollon, découverts dans le sanctuaire d'un établissement qui s'appelle Zoné, une fondation de Samothrace dans le nord de l'Égée. Au-delà de ça, les Grecs, en tout cas, pour les décrets officiels, utilisaient la langue grecque, donc la langue de la cité. Alors, quels sont les facteurs qui ont induit, en tout cas, cette non-utilisation de la longue trace sur des témoignages officiels jusqu'à l'époque paléochrétienne? Car n'oublions pas, l'évangile a été traduit en trace, en tout cas, et c'est un point intéressant. Bien, nous n'avons pas de facteurs essentiels, mais rappelez-vous qu'en tout cas, chez les Celtes, par exemple, les druides ont pu s'opposer à cette diffusion de l'écrit pour justement maîtriser donc ce discours oral, le sens de pouvoir. Le secret. Le secret, mais en tout cas, nous avons un point qui est intéressant, c'est que quand il y aura une renaissance identitaire dans le Mont Thrace sous l'Empire romain, 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, nous voyons que les aristocrates thraces, mais sous présence romaine, s'enterrent, s'inhument à nouveau, comme l'ont fait auparavant les rois Odris. Dès lors, il y avait forcément une mémoire qui était transmise. Est-ce par l'oral ? Est-ce par des témoignages écrits qui ont disparu ? Nous ne le savons pas. Au lendemain de l'occupation perse achéménide en 479 avant notre ère, se développe une puissante royauté sur un vaste territoire ? Non, en fait ce qui est intéressant c'est que chacune de ces communautés thraces était dotée de son propre système politique. Nous avons parfois une attestation de plusieurs royautés, notamment autour du Bastriment ou du Nestos, c'est-à-dire dans le nord de l'Égée. Et plusieurs figures royales, mythologiques pour certaines, d'autres historiques, sont bien attestées, notamment par le monnayage. Parfois, d'autres peuples, notamment les Tines en Turquie d'Europe, avaient une autre forme d'organisation qui pouvait être collective, avec un conseil des anciens. Donc vous voyez toute cette multiplicité, toute cette variété interne du Mantras qu'il ne faut pas oublier. Ce qui change, en tout cas avec les Odris, c'est l'échelle. Ce sont les premiers à sortir, en tout cas, de cette échelle étroite de la communauté pour dominer d'autres peuples périphériques ou d'autres communautés thraces. Le royaume Odris dure combien de temps ? Il commence dès 479 ? Non, pas de date de fondation, c'est évident. Un âge mythique. Comme a dit Neguin, après le départ des forces perses, donc autour de 480-470. Par contre, il est évident que sous Claude, en 62 après Jésus-Christ, le royaume Odris, cette fiction de royaume qu'avaient maintenu les Romains, intègre directement les provinces romaines et c'est la fin, en tout cas, d'une épopée de près de 5 siècles. Les Thraces seront toutefois battues aussi par Philippe II de Macédoine. Le royaume Odris s'effondre-t-il pour autant durant cette période ? Le royaume, oui, la figure royale, certainement pas les aristocrates. Et justement, les aristocrates Odris accompagnent Philippe II puis Alexandre le Grand dans ses conquêtes jusqu'en Orient. ce qui est un moment très fertile dans la mesure où ils vont être confrontés à de nouvelles formes de représentation, des tombeaux par exemple monumentaux, Persépolis, une grande capitale, et à leur retour, bien fort de tous ces modèles, ils vont vouloir en tout cas pouvoir les reproduire et les remodeler, d'où plusieurs phénomènes, l'urbanisation et puis l'essor d'une architecture funéraire monumentale. Et puis c'est le début de l'urbanisation. Oui, exactement, avec une capitale, Sotopolis, hein, la capitale de Sotès III, sachant que Philippe II lui-même avait fondé Philippopolis, l'actuel Plovdiv, sur un établissement thrace plus ancien, donc qui était attesté depuis la fin de l'âge du bronze, c'est-à-dire depuis la fin du deuxième millénaire avant notre ère. En tout cas, c'est le début d'une nouvelle période. On voit bien que les aristocrates thraces donc abandonnent les simples résidences en faveur désormais de capitale. On peut penser que Sotopolis aurait été créé sous influence grecque. Ah oui, c'est en tout cas une création hellénistique. Le phénomène urbain émerge par le monde hellénistique. Effectivement, les traces font partie de ce monde hellénistique, font partie de leur univers contemporain, et donc partagent plusieurs modes, et notamment bien ces capitales hellénistiques qu'ils veulent en tout cas reproduire, mais à une échelle beaucoup plus modeste. Est-ce que l'on voit l'apport de ce grand périple d'Alexandre jusque vers l'Indus ? On voit par exemple, on a des apports dans l'art de cette période ? On le voit tout à fait. C'est vrai que là, on a évoqué le phénomène urbain, mais les traces archéologiques les plus fortes, ce sont celles du monde funéraire, ce sont celles qu'on trouve dans les tombes. Et il y a eu ces derniers temps des découvertes spectaculaires à la suite d'une archéologie assez forte en Bulgarie depuis. Et on a retrouvé des tombeaux qui montrent un mobilier avec de nombreuses influences extérieures. Et c'est assez éloquent vraiment de voir comment le mobilier prend aussi bien au monde achéménide que vous avez développé, avec par exemple des fiales, des vases en argent particuliers qui viennent d'Orient, prennent au monde des cités grecques, avec des vases à figures rouges qui viennent d'Athènes, prennent au monde macédonien, avec en particulier les grandes couronnes d'or qui sont présentes dans l'exposition. Donc ils empruntent à tous ces univers qui les entourent, mais composent une typologie de mobilier spécifique. C'est eux qui font un choix parmi ces influences. Donc toutes ces influences se voient, mais on peut dire repris à la sauce thrace, présent dans le monde odryse selon une organisation singulière. Alors nous allons revenir bien sûr sur ces découvertes archéologiques qui sont tout à fait récentes et tout à fait aussi extraordinaires. Une dernière question pour comprendre l'organisation un peu de cette société. Que sait-on de l'organisation interne du pouvoir royal odryse et des vassaux bien sûr, parce qu'on peut imaginer que toutes ces tombes ne sont pas que des tombes royales. N'oubliez pas que Thucydide lui-même, historien grec, est d'ascendance thrace, en tout cas par son père. Donc il a une connaissance intime. Xénophon lui-même, pendant un mois et demi, va être au service d'un petit souverain, Sotès, qui n'est pas le grand Sotès, ni le Sotès 1, 2 ou 3. Mais en tout cas, un de ses odrys en rupture de ban, qui essaie de récupérer les terres de ses grands-parents. Et donc, grâce à ces témoignages, nous avons un regard sur l'organisation du royaume odrys. Le roi, certes, est là. Mais il n'est qu'un primus inter pares. Il est au fond à la tête d'une aristocratie assez tumultueuse et guerrière qui dispose de leur propre fief, même si le terme est anachronique, à l'intérieur du pays. Ainsi, la succession n'est jamais assurée. Et quand le roi est plus faible, eh bien, il peut arriver, en tout cas, que plusieurs, en fait, souverains soient contemporains et se partagent, en tout cas, cet espace thrace odrys. Il peut arriver également qu'après la mort du souverain, eh bien, le royaume se divise. Alors ces tombes, elles sont très visibles dans le paysage. En général, ce sont de gigantesques tumulus, quelquefois 50 mètres de diamètre. Ce sont ces tumuli, ces petites mottes de terre qui recouvrent une tombe, présents dans tout le paysage thrace, tout le paysage mulaire aujourd'hui, et on les voit effectivement de loin. Et les fouilles récentes ont permis de voir l'intérieur et de découvrir des tombes qui étaient restées inviolées. Je rappelle pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture que nous évoquons l'épopée des rois thraces avec les deux commissaires français de l'exposition qui se tient actuellement bien sûr au Louvre, Alexandre Baralis et Néguine Mathieu. Ces tumulus et leurs chambres funéraires sont édifiés selon un modèle site, ce que l'on appelle les courganes, Alexandre Baralis ? Pas véritablement. L'influence site est visible notamment dans les pièces de harnachement, le sacrifice des chevaux, qui est une innovation assez tardive dans le monde odryse. En tout cas, on n'en a pas vraiment la preuve au 5e siècle avant Jésus-Christ. Les courganes sont très spécifiques. On peut penser notamment aux fossés offrandes qui les entourent et à cette ceinture circulaire de pierre que l'on appelle de façon un peu impropre en archéologie russe et bulgare, donc décrépide. selon le détournement d'un terme grec qui ne décrit pas vraiment en tout cas ce type d'objet. Nous n'avons pas véritablement ces mêmes formations dans le monde d'Odris, notamment ces fossés ne sont pas là. Non, c'est plutôt le détournement d'une architecture grecque. C'est ça qui est intéressant, et la recréation d'une architecture en tout cas empruntée. Néguil Mathieu, au cœur de ces tombes, les archéologues découvrent les insignes de l'aristocratie avec une véritable école d'orfèvrerie thrace. De l'or partout, vous en exposez. C'est vrai que ces tombeaux qu'on présente dans leur intégralité dans l'exposition, donc c'était vraiment un souhait fort de ménager l'ensemble des typologies. Et l'or est éclatant, l'or est somptueux, les bijoux sont magnifiques. Donc pour les femmes, on va retrouver une série de colliers, de bijoux, d'éléments de parure portés sur les vêtements probablement. Et pour les hommes, on va retrouver des cuirasses, des armes et de magnifiques couronnes en or. Mais nous voulions aussi dans l'exposition, à côté de ces somptueux bijoux, ne pas oublier des éléments plus modestes, mais qui sont présents et qui marquent quand même l'identité de celui qui est enterré. Alors par exemple, dans le tumulus numéro 1 de Chermezem, daté des années 440 avant notre ère, le mobilier est d'une richesse exceptionnelle. Hydrie en bronze, coupe en argent et en or, pectorale, cuirasse anatomique avec tête de gorgone, c'est fou. C'est somptueux. Ce sont vraiment des découvertes spectaculaires qui montrent des objets très variés, selon une typologie particulière, comme on le disait, avec un très beau travail. Il y a aussi une bague dans ce tombeau, par exemple, très joliment fait. Il y a un service de banquet original, avec des passoires très joliment travaillées, et un objet singulier que vous verrez dans l'exposition, une clepsydre, un élément pour passer le vin, qui montre le savoir-faire et qui montre l'originalité aussi des usages présents dans cette aristocratie thrace. Et puis il y a bien sûr les chevaux sacrifiés qui font office d'animaux d'accompagnement du mort. C'est par exemple le cas dans un tumulus de Zlatinitsa, c'est bien ça, qui a été fouillé en 2005. C'est tout à fait ça. C'est aussi une magnifique tombe où on a retrouvé deux chevaux sacrifiés. Et il ne faut pas oublier un petit chien qui était aussi là en accompagnement. Un tombeau magnifique avec là aussi un mobilier spectaculaire qui montre une évolution avec la présence de plus en plus forte de la Macédoine, et en particulier dans la présence des couronnes, mais aussi un mobilier fait d'emprunts grecs ou achéménides, et un mobilier local que l'on voit présent dans un rituel qui était fait autour de la tombe. Et cette tombe pourrait être la tombe d'un fils d'un roi thrace, bien sûr. C'est tout le problème de l'identité de ce qui est enterré. Il y a ces insignes dont vous avez parlé qui sont magnifiques et qui montrent l'importance de ce qui était enterré, mais on ne s'aventure pas jusqu'à donner une identité précise à ces figures. Et puis, de plus en plus exceptionnel, nous aurions retrouvé la tombe du roi Sotès III, c'est bien ça ? C'est vrai que celle-ci, il y a plus d'assurance, il y a les noms inscrits, le nom de Sotès inscrit dans des éléments trouvés dans la tombe, il y a le profil de la tête magnifique qui a été trouvée et qui se rapproche des monnaies de Sotès III. Une des rares, donc, tombes d'un souverain antique qui a été découverte et qui a été découverte très récemment en 2004. Le Sotès III, c'est le début du 3e siècle, la fin du 4e siècle à peu près. C'est ça, et c'est le début surtout de ce second royaume d'Odrys, après la conquête de Macédoine, un roi thlais qui garde quand même une fabuleuse richesse. Une tombe princière vient d'être découverte en France, à Lavaux, près de Troyes, datée des années 470 avant notre ère. Elle contient des vases grecs. Tous ces objets en France ou en Bulgarie sont-ils des cadeaux diplomatiques offerts aux barbares aux marches du monde grec? Barbares, effectivement, l'approche est très intéressante. En tout cas, des cadeaux diplomatiques, ça a longtemps été supposé, parfois même des commandes, il ne faut pas l'oublier. La particularité des Odris, c'est qu'ils étaient à la tête de réseaux d'échanges très développés. Ils pouvaient vraiment commander ce qu'ils désiraient, d'où cette sélection. Donc ce n'était pas de simples récits piandaires, mais parfois, en tout cas, des acteurs de leur période. En tout cas, nous sommes face à des processus parallèles. Il nous faut aussi, et pour conclure, évoquer s'il y a un héritage thrace dans la culture traditionnelle bulgare, voire des Balkans. Elle est revendiquée en tout cas, c'est une certitude. Malheureusement, la langue thrace a disparu au 4e, 5e siècle après Jésus-Christ, mais il en reste encore des mots en roumain, près de 200, ce qui quand même montre une certaine héritage. Et puis toute la question se pose pour le folklore, la musique, la danse. Elle est revendiquée notamment dans certains rites tout à fait particuliers, comme ces traces grecques ou bulgares qui marchent sur des charbons ardents pour la fête de Saint-Constantin-Hélène. Et longtemps, on a supposé en tout cas une origine thrace, dionysiaque même, en tout cas à ce rite-là. pour la musique, évidemment les danses, nous ne le savons pas. Mais en tout cas, la présence des traces est très importante pour les peuples actuels des Balkans. Merci beaucoup. À voir donc absolument l'épopée des rois Thraces, actuellement présentée au Louvre. La semaine prochaine, le Salon Noir sera avec Claude Tronecker, égyptologue, qui nous parlera de sa très belle découverte. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Thibaut Germez, attaché d'émission Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives sur le site inrap.fr.